بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فaujourd'hui le 5 du mois de Dhul Hijja de l'année 1441 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 13e et dernier cours de cette série inshallah ta'ala intitulé les caractéristiques principales des gens de la sunna et du groupe Ahl Sunnah wal Jama'ah dans cette mosquée. هذا المسجد الطيب المبارك مسجد الرحمة de la ville de Évry du quartier du chantier du coq comme vous le savez. Cette dixième et dernière caractéristique principale qui forme les caractéristiques principales des gens de la sunna et du groupe est leur position concernant la croyance de al-wala wal-bara, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire communément par l'alliance et le désaveu. Donc la croyance des gens de la sunna concernant l'alliance et le désaveu. L'alliance qui doit être faite aux croyants et le désaveu qui sera fait en premier lieu aux non-croyants. L'alliance qui sera faite aux gens de la sunna et du groupe, ceux qui suivent les pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, radhiyallahu alayhim, et la désalliance, le désaveu qui sera fait aux gens de l'innovation, ahlul bid'ah, et les gens des sectes égarées. Cette alliance qui sera empreinte de mahabba, d'amour, et de Nusra, qui veut dire le secours. C'est-à-dire que l'alliance dont on va parler ici doit supporter le sens d'amour et de secours. C'est-à-dire que cette alliance que nous faisons pour les croyants, comme cela en particulier pour les croyants des gens de la Sunna et du groupe, nous le faisons avec amour pour eux et en leur accordant notre secours. Comme cela, l'alliance qui sera interdite, c'est l'alliance qui supportera ce sens de, d'amour et de secours qui sera interdite pour les non-croyants comme pour cela, comme pour les gens de l'innovation. Ceci, comme nous allons le détailler dans le cours d'aujourd'hui. Et comme nous allons le voir aussi, ce n'est pas le sens de l'alliance, de s'allier à quelqu'un en ce qui concerne les manières de se comporter concernant le commerce, le fait d'acheter et de vendre, et autre que cela. Ceci n'est pas une cause, ou ceci, le fait que nous nous allions ou nous nous désavouons de quelqu'un, ne va pas forcément, je précise ici forcément car on va voir un point concernant les gens de l'innovation, n'est pas une chose qui forcément devra entraîner le fait de s'allier, de se désavouer de quelqu'un. C'est-à-dire que il est autorisé de faire du commerce avec les non-croyants, d'acheter et de vendre aux non-croyants, car en effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort et sa cuirasse, ou plutôt sa cotte de maille, était en gage auprès d'un juif de Médine. Il n'y a pas de doute que le fait de prêter sur gage, cette action de gage, fait partie des ventes. Comme cela, on ne parlera pas ici, ou on en parlera, du fait d'être juste avec les croyants. Quand je dis on ne parlera pas d'ici, c'est-à-dire lorsqu'on parlera du fait de se désavouer, notre devoir de se désavouer des non-croyants, comme cela, des gens de l'innovation, on ne parlera pas de cela. Et on parlera de cela lorsque nous parlerons des droits et de nos devoirs envers eux. Donc, il ne rentre pas dans cela le fait de se désavouer d'eux concernant le fait d'être juste avec eux, le fait d'être bon envers eux, envers les gens de Dhimma, comme on l'a déjà étudié, donc ce sens, les gens de Dhimma, dans les cours précédents. Comme cela, celui qui a un ahd, c'est-à-dire celui qui a un pacte avec les musulmans. Le fait que nous devons, dans notre croyance, nous devons nous désavouer de eux, faire al-bara, des non-croyants, ne veut pas dire qu'on ne se comportera pas avec justesse avec eux, on ne se comportera d'une mauvaise manière, on ne se comportera pas avec bonté. Non, plutôt ceci leur est dû. Et cela, le fait de se comporter avec eux d'une bonne manière, avec bonté, de se comporter avec eux avec justesse, ne veut pas dire que nous les aimons, nous aimons leur religion et nous les secourons dans cela. Il nous conviendra donc de connaître les facteurs qui sont une cause ou non de wala ou de bara, c'est-à-dire donc d'alliance et de désaveu. Cette alliance et ce désaveu qui détermineront qui fait partie des gens de la sunna et celui qui n'en fait pas partie, qui seront une des principales caractéristiques des gens de la sunna, des gens qui suivent ce manhaj as-salafiyya et de ceux qui suivent les voies égarées, les voies des gens de l'innovation. Ceci, comme pour l'ensemble des caractéristiques que nous avons évoquées précédemment, car beaucoup de gens se sont trompés, se sont égarés concernant ce point, la manière de pratiquer cela, l'alliance et le désaveu, au point que leurs erreurs ont amené les gens de la sunna à répertorier cela comme étant une caractéristique principale qui caractérisera les gens de la sunna et qui fera la différence entre eux et les gens de l'innovation. Le fait de ne pas avoir maîtrisé ce sujet a emmené les gens de l'innovation et des sectes égarées à juger de mécréant celui qui ne le méritait pas, de le juger de mécréant sans preuve, comme cela de s'allier à celui avec qui on ne doit pas s'allier, comme cela de se désavouer de celui de qui il n'est pas permis de se désavouer, comme cela sans facteur et sans preuve, sans facteur légiféré qui emmèneront à cela et sans preuve du livre d'Allah et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, concernant cette facette ou cette partie de notre croyance, la croyance en ou la croyance concernant al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, nous citerons le verset numéro 28 de la sourate Ali Imran, la famille d'Imran, la sourate numéro 3. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif de ces paroles: que le croyant ne prenne pas pour allié des infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même et c'est à Allah le retour. Al-Imam ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, Ibn Jarir, qui est appelé par les gens de la sunna Imam al-Mufassirin, l'imam des commentateurs du Coran, des gens du tafsir. Il dit dans le sens approximatif de ses paroles, dans son tafsir, de ce verset: le sens de cela est: ne prenez pas au vous les croyants, les infidèles, comme alliés. Ne vous alliez pas à eux dans leur religion. Et ne vous associez pas et ne vous alliez pas à eux contre les musulmans, en dehors des croyants. Leur montrant ainsi leurs défauts, c'est-à-dire en montrant aux infidèles le défaut des croyants, et celui qui fera cela ne fera pas partie d'Allah, c'est-à-dire qu'il se sera certes désavoué d'Allah et Allah se désavouera de lui. Le deuxième verset dans Surat Al-Ma'ida, la table servie, la Surat numéro 5, le verset numéro 51. Allah Azza wa Jal dit dans le sens approximatif de ses paroles: Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Al-Imam Sa'di, dans son tafsir, dans son exégèse du Coran, nous dit dans le sens approximatif de ses paroles que ici, Allah le Très-Haut oriente ses serviteurs croyants lorsqu'il leur a détaillé les différents états des juifs et des chrétiens ainsi que leurs caractéristiques, qui ne sont pas des bonnes caractéristiques. Il les a orientés vers le fait de ne pas les prendre pour alliés, car ils sont certes alliés les uns des autres. Ils s'entraident et se viennent en secours les uns aux autres, et ils sont dans cela comme une seule personne, c'est-à-dire qu'ils ont la main dans la main dans cela, en dehors d'autres que eux. Un autre verset qui constitue l'épreuve principale de cet aspect de notre croyance, de la croyance des gens de la Sunna, la croyance concernant l'alliance et le désaveu. Le verset numéro 23 de Surat At-Tawbah, le désaveu, la Surat numéro 9. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif de ses paroles: Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont des injustes. Comme cela, et des preuves, il y en a beaucoup, mais la dernière que nous allons citer, le verset numéro 22 de Surat Al-Mujadila, qui est la Surat numéro 58, où Allah Azza wa Jalla dit dans le sens approximatif de ses paroles: Tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leur cœur et les a aidés de son secours. Il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Nous voyons que Al-Hafir ibn Hajar, dans son explication du Sahih de l'imam al-Bukhari, donc Fath al-Bari, dit, dans le sens de ses paroles, en citant ce verset de Surat al-Mujadila, il dit: Puis la bonté, ainsi le fait de lier les liens de parenté, comme cela la bonne manière de se comporter, tout cela n'implique pas forcément l'amour qui est interdit, l'amour que Allah Azza wa Jalla nous a interdit dans ce verset. L'amour qui ne devra pas être donné aux non-croyants, évoqué dans ce verset de Surat Al-Mujadila. Plutôt, ceci a une portée générale. Nous dirons ici, lorsque certaines personnes nous diront qu'il y a de la dureté dans ces paroles, nous lui dirons que ceci sont les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala et les paroles de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis nous lui dirons aussi que ceci, cette alliance et ce désaveu est une chose qui est pratiquée par les gens du livre, comme cela les non-croyants en général envers les musulmans. Ceci est pratiqué par les non-croyants envers les musulmans. Et ils ne s'en cachent pas, comme l'a évoqué l'imam Sa'di dans son tafsir que nous avons lu précédemment, le fait qu'ils avancent main dans la main, en dehors d'autres que eux. Et ceci est une chose qui est connue, et ils ne s'en cachent pas. Par contre, par la cause, dans certains endroits, dans certains pays et à certaines époques, par la cause de la faiblesse des musulmans, nous voyons que les musulmans s'en cachent et ont honte de cette croyance. Prenez garde à cela. Prenez garde à cela. Le musulman doit être fier de sa religion. Car sachez que ceux-là sont fiers de leur religion, qui est une religion qui est fausse. Une religion qui est faussée. Car certes, la religion auprès d'Allah est l'islam. Donc soyez fiers de votre religion. Comme cela, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans surat al-Baqarah, donc la surat numéro 2, la vache, de le verset numéro 121, où il dit, 120, pardon, où il dit, tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ses paroles, ni les juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Ceci est une réalité. Allah tabaraka wa ta'ala nous l'apprend dans son livre. Le fait que eux-mêmes sont fiers de leur religion et ils ne t'agréeront jamais jusqu'à ce que tu la suives. Sois donc fier de ta religion et prends ta religion comme il se doit, comme nous l'avons évoqué précédemment. L'amour et la manière de te comporter avec eux, le fait de les secourir, ceci est une chose qui est interdite, sauf ce que nous allons évoquer plus tard dans le cours. Mais ceci ne veut pas dire que tu devras être méchant avec eux, te comporter d'une mauvaise manière, ne pas être juste avec eux. L'islam est la religion de la justesse et de la bonté, mais ceci n'implique pas de les aimer, d'aimer leur religion et de penser qu'ils sont égaux à toi. Car toi, tu es croyant en Allah et au jour dernier, à l'inverse de eux. Ceci, nous y reviendrons un peu plus tard. Et l'imam Ibn al-Qayyim dit dans son livre Ahkam Ahl al-Dhimma. Nous avons déjà cité des paroles de cet imam dans, tirées de ce livre dans les cours précédents. Il dit, certes Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a interdit dans le début de surat al-Mumtahana, il a interdit le fait de prendre le fait que les croyants ou que les musulmans prennent les non-croyants comme alliés. Et il a coupé court au fait de leur accorder de l'amour, qu'il y ait cet amour entre eux. Certaines personnes ont pensé que ceci voulait dire et impliquer le fait de ne pas se comporter d'une bonne manière avec eux, d'avoir de la bonté envers eux. Et ils ont pensé que ceci faisait partie de cet amour qui t'était interdit d'avoir envers eux. Et Allah tabaraka wa ta'ala a éclairci cela dans son livre en nous expliquant que ceci ne fait pas partie de l'amour qui est interdit et qu'il ne t'est pas interdit d'avoir de la bonté envers eux. Plutôt que ceci, cette bonté que tu auras envers eux, est une chose que lui-même, subhanahu wa ta'ala, aime et agrée. Nous dirons donc que le fait de s'allier aux non-croyants et de s'allier à eux contre les musulmans, si cette alliance que tu fais avec eux et cet amour que tu donneras est pour leur religion. Tu t'allies avec eux dans leur religion et tu les aimes pour leur religion. Et dans leur religion, par exemple, en montrant ton agrément pour leur religion et pour leur croyance, qui est une croyance qui est fausse. Et cette personne qui sera comme cela cachera dans son cœur l'animosité envers l'islam. Même si elle se prétend musulmane, elle cache dans son cœur l'animosité envers l'islam. Et il n'y a pas de doute qu'une personne qui montre l'amour et qui expose l'amour qu'il a pour les non-croyants, l'amour pour leur religion, pour leur croyance et l'agrément de cela, il n'y a pas de doute que cette personne ne pourra être que l'une d'entre elles, c'est-à-dire une personne qui cachera dans son cœur son animosité envers les croyants et envers l'islam. Une personne aussi qui les aidera contre les musulmans en leur montrant les défauts des musulmans et qui les secourera contre les musulmans avec ses biens et sa propre personne. Il n'y a pas de doute que cela ne fait pas partie des actes des croyants. Comme cela, les savants ont évoqué plusieurs cas. Certains cas qui sont la base, que nous venons d'expliquer ici, qui sont de la mécréance majeure, et certains cas qui seront en dessous de cela. Et on reviendra dans cela au cours que nous avons dispensé la semaine dernière et la semaine d'avant concernant la position des gens de la sunna concernant le takfir, c'est-à-dire le fait de juger qu'une personne est mécréante et non croyante. Tout ceci revient à cela. Et comme on l'a déjà dit précédemment, tous les cours que nous avons dispensés dans cette série, toutes ces caractéristiques sont reliées les unes aux autres. Et comme nous l'avons évoqué précédemment, le but ici de ces cours, lorsque nous faisons un cours, nous dispensons un seul cours pour expliquer chacune de ces caractéristiques, le but visé n'est pas de détailler en profondeur ces points qui méritent, pour la plupart d'entre eux, une série. C'est-à-dire que la croyance des gens de la sunna concernant le wala ou le bara, l'alliance et le désaveu, ceci mérite et nécessite une série entière de cours, d'une dizaine de cours, peut-être plus, peut-être moins. Donc le but visé par ces cours que nous dispensons dans cette série de cours intitulée les caractéristiques principales des gens de la sunna est, comme nous l'avons déjà évoqué, le fait de mettre en avant une facette, une caractéristique importante parmi les caractéristiques principales des gens de la sunna et du groupe, et de mettre en garde contre les caractéristiques des gens de l'innovation qui ne sont pas en concordance avec cela, qui vont à l'encontre de cette caractéristique évoquée, comme nous allons le faire dans ce cours d'aujourd'hui. Donc ici, on ne va pas rentrer dans les détails de chaque cas. À ce moment-là, si une personne fait cela, eh bien, on jugera de sa mécréance. À partir de là, on ne jugera pas de sa mécréance, mais plutôt il y aura cela. Tout ceci, on revient au cours que nous avons détaillé la semaine dernière et la semaine d'avant concernant la position des gens de la sunna, concernant at-takfir, le fait de juger d'une personne qu'elle est mécréante, qu'elle est non-croyante. Ceci, on reviendra à ce cours-là. Comme cela, il y a plusieurs points que nous avons détaillés ici, lorsque nous parlons par exemple des gens qui ont un pacte avec les musulmans, comme cela de Ahl-Dhimma, les gens de la Dhimma. Ceci, nous l'avons déjà détaillé dans des cours précédents, on reviendra donc à ces cours. Ce qui est visé par ce cours, c'est de vous mettre en avant cette facette importante de la croyance des gens de la sunna, l'wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, et la manière de faire cette alliance et ce désaveu, comme nous l'avons expliqué dans les grandes lignes ici. Nous continuerons et nous dirons que le musulman doit être puissant par sa religion. Il doit être fier de sa religion. Et ceci, même s'il se trouve au milieu des non-croyants, des gens du livre et autres. Il ne doit pas se rabaisser. Et dans ces pays, qui ne sont pas des terres d'islam, on évoquera ici, ceci nécessite aussi des cours, mais le sujet de la hijra, c'est-à-dire l'émigration, le fait que Allah Azza wa Jalla a prescrit l'immigration pour les musulmans, le fait d'émigrer d'une terre de mécréance vers une terre de croyants, vers une terre d'islam. Ceci est une prescription d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cette prescription sera parfois obligatoire pour certaines personnes, à certains endroits, parfois en dessous de cela. Et ceci nécessite encore une fois des cours afin d'expliquer le jugement de la hijra, de l'immigration et autre que cela. Mais ici nous faisons le rappel. Ici, lorsqu'on parle de al-wala ou al-bara, on va parler de cela, de la hijra. une manière que le musulman aura de se désavouer des non-croyants, le fait de ne pas vivre au milieu de eux, en agréant le fait de vivre sur leur terre. Comme cela, le musulman devra être fier de sa religion, à l'inverse de beaucoup de musulmans, malheureusement, en Europe, en Occident. C'est une chose qui est connue, que vous avez vécue. Lorsque les non-croyants rigolent, se moquent de la religion, certaines personnes restent là sans rien dire. On ne va pas parler ici du jugement de ces personnes, ni même rentrer dans leur cœur le fait qu'ils ont agréé, le fait de se moquer de la religion ou non. Simplement ici un rappel, car cela revient encore à d'autres sujets que nous étudierons plus tard et des sujets que nous avons déjà étudiés, encore une fois, le cours de la semaine dernière concernant At-Takfir. Mais ici, nous faisons simplement le rappel, le fait d'être fier de sa religion. Et ceci rentre inévitablement dans la croyance de Al-Wala ou concernant Al-Wala ou Al-Bara, le fait de s'allier et de se désavouer. Lorsque les gens de la mécréance, c'est-à-dire les non-croyants, tournent en dérision les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala, tournent en dérision la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'un musulman est au milieu de eux et agrée cela, soit par sa présence, soit par sa non-réaction, soit par une réaction, ceci est encore pire, comme le fait de sourire ou de rigoler avec eux lorsqu'ils tiennent des propos désobligeants concernant la religion. C'est une chose que nous avons tous vécue, ici en particulier dans ces terres, qui ne sont pas des terres d'islam. Ceci, prenez garde, est quelque chose de très dangereux pour ta foi, pour ta religion. Sois donc fier de ta religion, car la religion de l'islam est certes la seule véritable religion, et c'est la religion auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala qui est agréée. Il n'y a pas de doute que cette manière de se comporter est due à la faiblesse des musulmans, et cette manière de se comporter n'apportera aux musulmans que plus de faiblesse. Craignez donc Allah azza wa jalla dans cela et faites le conseil à vos frères. Nous dirons ici que, comme nous l'avons évoqué au début du cours, il est autorisé de faire des transactions avec les non-croyants, de vendre, de leur vendre, d'acheter auprès de eux, de mettre des affaires en gage, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ce juif qui habitait à Médine, et autre que cela. Et ceci était la manière qu'avait de se comporter notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les gens du livre à son époque, comme cela les sahaba à son époque et après lui. Nous avons certes dans le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala un bon exemple à suivre, et dans ses compagnons radiyallahu anhum ajma'in. Nous dirons ici aussi que il y a un amour qui est un amour qu'on pourrait qualifier de naturel, ou qu'on pourrait traduire de naturel. C'est un amour que l'homme a pour sa mère et son père, pour les gens de sa famille, pour les gens de sa tribu. Comme cela, l'amour qu'une personne porte pour son pays, sa terre natale, ou son pays d'origine. Si ses parents ne sont pas croyants, ceci ne voudra pas dire qu'il devra renier cet amour qui est un amour naturel, que l'homme a naturellement pour sa mère et son père, pour les gens de sa famille, pour les gens de sa tribu, comme cela pour sa terre, même si sa terre n'est pas une terre d'islam, mais il aura forcément cet amour naturel pour ces choses-là et ces personnes-là. Ici, ce qui est voulu par le fait que nous devons nous désavouer et ne pas aimer les non-croyants, comme nous l'avons évoqué précédemment, ce « voilà » est un amour particulier qui entraîne le fait de secourir ces derniers, de les aimer dans leur religion, de les secourir dans leur religion, de les secourir contre les musulmans, comme cité précédemment. C'est-à-dire que la Notre religion ne nous interdit pas d'avoir cet amour qui est un amour naturel que l'homme ne pourra pas éviter d'avoir pour par exemple sa mère et son père lorsqu'ils ne seront pas croyants, comme cela pour sa terre natale, pour sa terre d'origine, etc. Tout en se désavouant et en détestant la mécréance sur laquelle sont ces derniers. Tout en se désavouant et en portant dans son cœur une animosité envers la mécréance et les actes de mécréance que font ces derniers. Ici, nous citerons le fait que les gens de science, lorsqu'ils parlent de l'alliance et du désaveu, ils parlent de plusieurs catégories et de plusieurs paliers dans cela. Il y a ceux, les gens à propos desquels tu te dois, c'est une obligation religieuse pour toi, de les aimer d'un amour sincère et pur, dans lequel il n'y a pas d'animosité. Ceux-là sont les croyants purs. Parmi eux et à leur tête, les messagers, comme cela les véridiques, comme cela les pieux, et à leur tête, bien sûr, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Cet amour qui devra être voué à ces personnes-là est un amour en Allah et pour Allah. Ceci est le sens de l'amour en Allah. Al-hubbu fillah. Lorsque tu dis à quelqu'un, uhibbuka fillah, fillah. C'est un amour en Allah et pour Allah. Comme cela, lorsque tu détesteras quelqu'un, ce sera le fait de le détester pour Allah et en Allah. Donc à leur tête, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il sera obligatoire pour le musulman de l'aimer, du plus grand amour. C'est-à-dire qu'il l'aimera plus que sa propre personne, que ses enfants, que ses parents et que l'ensemble des gens. Ceci est l'amour qui doit être donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sera aimé plus que tout, mais en Allah et pour Allah. En Allah et pour Allah. Ensuite, les mères des croyants, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela les gens de sa maison, ahlu baytihi, comme cela les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs des croyants, et en particulier les quatre califes bien guidés, Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali, radiallahu anhum ajma'in, et l'ensemble des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, ceux qui les ont suivis dans le bien, comme cela, les pieux prédécesseurs de cette communauté, comme cela, les imams de cette communauté, les savants. Et ceci comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, comme dans le verset numéro 10 de Sourate Al-Hashr, le rassemblement, il dit dans le sens approximatif de ces paroles, et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant, Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Ceci est une partie des gens, est un groupe de gens concernant la croyance des gens de la Sunna, concernant Al-Wala ou Al-Bara. Un autre groupe de gens, ce sont les non-croyants. Ceci que nous avons expliqué précédemment, tout ce que nous avons expliqué précédemment. Un troisième groupe de gens, ceux que tu aimeras pour une certaine chose, tu les aimeras d'une manière et tu les détesteras d'une autre manière. Tu les aimeras pour une chose et tu les détesteras pour une autre chose. Sera réuni concernant ces gens-là, donc c'est-à-dire ta croyance que tu auras concernant ces gens-là, il se réunira dans celle-ci, l'amour pour eux et l'animosité envers eux. Cela ce sont les pécheurs parmi les croyants. Nous les aimons pour ce qu'il y a en eux comme foi, et nous les détestons pour ce qu'il y a en eux comme désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, ceci en dehors de la grande mécréance et la grande association. Et le fait de les aimer implique le fait de les secourir. Et le fait de les secourir implique le fait de les conseiller et de réprouver leurs actes et de leur interdire de pratiquer ces actes-là. Il est donc interdit de se taire concernant leurs actes de désobéissance. Plutôt, ils devront être conseillés et on devra leur ordonner de faire le bien. Et nous les détesterons pour cela. Mais nous ne les détesterons pas d'une manière sans condition. Plutôt, la condition est celle qui vient d'être citée. Nous les détesterons pour leurs actes de désobéissance. Et ils rentrent dans cela. Les gens de l'innovation, sans aucun doute. Ils rentrent dans cela, les gens de l'innovation, sans aucun doute. Et nous vous renvoyons à l'assise numéro 9 concernant la position des gens de la Sunna envers l'innovation et les gens de l'innovation. Nous avons détaillé un peu plus cela dans ce cours. Lorsque nous parlons des désobéissants, des pécheurs de la communauté, parmi les croyants, ils rentrent à plus forte raison les innovateurs, les gens de l'innovation. Ces derniers, tu devras les détester pour ces innovations, réprouver leur innovation, les réfuter, les combattre, c'est-à-dire combattre leurs innovations. Et tu devras aussi les aimer pour la foi qu'ils ont. C'est pour cela que les gens de la Sunna, lorsqu'ils parlent des gens de l'innovation, ils disent que nous avons sur eux deux regards. Un regard qui est un regard de pitié. Nous avons pitié pour eux concernant ces innovations dans lesquelles ils sont tombés et nous faisons des invocations pour eux. Et nous avons un regard d'animosité envers eux par rapport à ces innovations dans lesquelles ils sont tombés. Et le sujet du cours d'aujourd'hui, qui est l'alliance et le désaveu, se résume dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ses paroles. L'anse la plus solide de la foi est l'amour en Allah et le fait de détester en Allah. Dans le sens approximatif de ces paroles, l'anse la plus solide de la foi est l'amour en Allah et le fait de détester en Allah. Ici, on parle de al-hubbu fillah. Ceci est le sens lorsque tu dis à ton frère uhibbuka fillah. Ceci lorsque tu aimes ton frère. Tu l'aimes pour Allah. C'est pour cela que les gens de science mettent l'accent sur cela et disent qu'il ne convient pas de dire à n'importe qui, une personne que tu ne connais pas, ou une personne peut-être que tu connaîtras comme étant quelqu'un qui est pécheur, mais à un certain moment, tu verras du bien de lui, tu lui diras « Uhibbuka fillah » d'être laxiste dans cela, car cette parole a une portée. Tu lui dis « Uhibbuka fillah » « Je t'aime pour Allah, je t'aime en Allah » Et ceci est la base de la croyance concernant l'alliance et le désaveu. Donc cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam résume la croyance des gens de la sunna concernant l'alliance et le désaveu, le fait que ceci est l'anse la plus solide de la foi. Comme cela, sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ses paroles, celui qui aimera pour Allah et détestera pour Allah, qui donnera pour Allah, qui s'abstiendra de donner pour Allah, aura certes complété sa foi, ou sa foi se verra certes être complète. Ceci est le résumé du cours d'aujourd'hui. Ces deux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement, nous voyons que aujourd'hui, les gens ne comprennent pas cette croyance. Les musulmans ne comprennent pas cette croyance de la bonne manière. Plutôt, l'amour qu'il y a entre les gens, malheureusement, de nos jours, est basé bien souvent sur des biens de cette vie d'ici-bas. Tu aimes un tel pour le bien qu'il t'aura fait concernant des affaires mondaines. Peut-être même en fermant les yeux sur des négligences qu'il aura concernant sa religion. Et pire que cela, comme on vient de le dire, pire que des péchés, qu'il pourra connaître des innovations et des transgressions concernant son manhaj, concernant sa méthodologie. Le fait que dans certaines affaires de sa religion, il ne suivra pas la méthodologie des pieux prédécesseurs. Tu fermeras les yeux sur cela, car tu as des biens à rechercher auprès de cette personne concernant cette vie mondaine. Malheureusement, la plupart des liens qu'il y a entre les gens aujourd'hui sont construits sur cela. Il faut donc craindre Allah dans cela et revenir à ce sur quoi étaient nos pieux prédécesseurs concernant al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ici, il y a un point qui est très important que nous allons citer, une fatwa de l'allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Et ceci avant de terminer le cours d'aujourd'hui, je vais le clôturer en citant, comme on a l'habitude, des paroles des gens de l'innovation concernant cette croyance, la croyance concernant l'alliance et le désaveu. Une question fut posée à l'allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Est-il autorisé de faire l'alliance et le désaveu par rapport à une personne précise? Il dit dans le sens approximatif de ses paroles, pour résumer sa fatwa, il dit: ceci est la base de l'exagération dans la religion qui a été combattue, ou que Allah Azzawajal a combattu dans son livre, comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Puis il dit l'exagération même concernant le prophète, concernant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est interdite. Et ce dernier l'a interdit dans nombre de hadiths. Qu'en est-il alors d'autres personnes qui sont sans aucun doute en dessous de lui? Il dit, Cheikh, il dit les pauvres. Et qu'en est-il si ces gens, par rapport auxquels ils s'allient et se désavouent dans leur religion, sont des gens de l'innovation, des têtes, des gens de l'innovation et des égarés? Comment peux-tu faire l'alliance et le désaveu par rapport à des gens qui sont comme cela? Tu t'allies à quelqu'un par rapport à eux. Tu combats quelqu'un et a de l'animosité envers lui par rapport à eux. Tu exagères concernant ces derniers et tu les sanctifies. Ceci n'est pas permis. El-Wala, l'alliance est pour Allah et le désaveu est pour Allah jusqu'au messager. Le Cheikh, hafidhahullah, il dit jusqu'au messager, el-Anbiya, jusqu'au prophète, pardon, el-Anbiya. Nous les aimons pour Allah. Les pieux, nous les aimons pour Allah. Et les non-croyants, comme cela, les innovateurs, nous les détestons pour Allah. Donc, l'alliance et le désaveu seront faits pour Allah, tabaraka wa ta'ala, seul. Pas pour une personne. Jusqu'à la fin de sa parole. Hafidhahullah ta'ala. Non. Et ceci nous amène à évoquer ce qu'on appelle le ta'assub, c'est-à-dire le fanatisme, qui est une chose à déplorer concernant les musulmans aujourd'hui, Et malheureusement ici, on en parle concernant les gens de la sunna qui sont entrés dans un fanatisme religieux concernant des personnes. Et la fatwa de Cheikh Rabi ici, elle est claire concernant le fait que ni lui appelle à ce fanatisme, ni autre que lui parmi les savants de la sunna. Et le fait d'être fanatique concernant une personne, concernant un savant, est une chose à déplorer chez les jeunes salafis aujourd'hui. Le fait que si une parole est venue de Cheikh un tel, ceci est comme la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dis pas qu'ils disent cela, ils disent que ceci est comme la parole d'Allah et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne pense pas que quelqu'un parmi les musulmans disent ce genre de paroles, mais leurs actes mènent à penser cela. C'est-à-dire que si Cheikh un tel a dit, il n'y a plus rien à redire dessus. Cheikh un tel a dit, mais un autre parmi le Mashaykh a dit, non, c'est Cheikh un tel qui a raison. Pour telle et telle raison, donc ils prennent des preuves pour cela, ils disent parce que c'est lui qui connaît le mieux concernant cela. Ça veut dire, s'il connaît le mieux par rapport à cela, même si on te dit que tu as raison, il connaît le mieux, ça veut dire qu'il ne tombe pas dans l'erreur. Le seul de qui nous prenons la parole sans condition, sa parole est une vérité, c'est Allah tabaraka wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Autre que eux, comme le disait l'imam Ibn Malik rahimahullah ta'ala, chaque personne peut se voir sa parole, peut voir sa parole être acceptée ou rejetée, sauf celui qui est dans sa tombe. Et l'imam Malik était dans et dispensait ses cours dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc cette tombe était la tombe de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que toute personne peut voir sa parole, même le plus grand des savants peut voir sa parole être acceptée ou refusée, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que les gens de la sunna doivent mettre devant eux, c'est la vérité, al-haq. C'est sur cela que nous faisons l'alliance et le désaveu, la vérité. Ceci à l'inverse des gens de l'innovation qui s'allient et se désavouent, et ceci fait partie des caractéristiques principales. C'est pour ça que je dis que ceci est à déplorer chez les gens de la sunna aujourd'hui, car ceci fait partie des caractéristiques des gens de l'innovation. Quand je dis ça, je ne dis pas que celui qui fera cela, d'une manière ou d'une autre, tombera dans l'innovation, sauf si cette personne croit que ceci est permis. C'est-à-dire que telle personne, c'est par rapport à lui que nous faisons l'alliance et le désaveu. Et je ne pense pas que des gens qui s'apparentent à ce manhaj disent cela. Mais comme je le dis, dans leurs paroles nous mènent à donner ce jugement sur eux. Pour résumer, les gens de l'innovation sont connus pour cela. Ceci fait partie de leur caractéristique principale. Le fait que si le shir de la tariqa, as-soufiya, at-tijani, fulan ou allan, il dit telle parole, c'est comme cela. Mohamed Elias, il a dit dans ses livres comme ça, c'est comme ça. Un tel, il a dit c'est comme ça. Hassan al-Banna, c'est comme ça. Et c'est tout. Il n'y a rien à redire sur cela. Ceci fait partie des caractéristiques principales donc des gens de l'innovation. Il faut que donc les gens de la sunna prennent garde à ne pas ressembler à ces derniers dans leurs actes et dans leurs paroles. Ici, nous clôturerons le cours en évoquant certaines contradictions de ce manhaj par les gens de l'innovation. Ici, nous voyons une des bases, un des fondements du groupe des frères musulmans. Ce fondement est le fait qu'ils appellent à l'unité des religions. L'unité ou l'unification des religions. Et à la fraternité humaine et mondialisée. Ils donnent des cours par rapport à cela, ils font même des conférences concernant cela, ils se réunissent, ils parlent de cela, ils répandent cette parole dans leurs livres et dans leurs cours. Comme cela, nous voyons sur le site officiel du groupe des frères musulmans. Ils disent, comme on a l'habitude, comme on l'a déjà évoqué précédemment, le salafi est minutieux lorsqu'il enseigne ou lorsqu'il apprend. Lorsqu'il donne, lorsqu'il répète, il est minutieux. C'est pour cela que ici, comme d'habitude, je vous rapporte des paroles de leurs livres, de leur site internet, de leurs cours. Sur le site internet officiel des frères musulmans, ils disent nous avançons aux gens, c'est-à-dire un, on va dire un slogan ou une manière de vivre, quoi. En fait, ils disent As-salam fil Islam, entre guillemets, c'est-à-dire donc la paix dans l'islam. Et ils disent ceci est le sujet des livres de l'imam martyr, c'est comme cela qu'il l'appelle, Hassan al-Banna, donc le fondateur de la secte des frères musulmans. Ils disent dans l'année 1948, il écrit dans une revue qui est appelée Al-Shihab, qui sortait tous les mois. Il écrit ce qui suit. Avant cela, ils disent, et l'imam, donc en parlant de Hassan al-Banna, explique dans ce que tu vas lire, au toi le lecteur, comment, donc dans cette parole qu'ils ont apportée, comment l'islam est la religion de l'amour, de la paix et de la fraternité humaine, véritablement. Quand ils disent la fraternité humaine, c'est comme ça que je le traduis, approximativement, c'est-à-dire que l'ensemble des humains sont frères. L'ensemble des humains sont frères, sans regard de religion. Nous sommes frères en humanité. C'est cela qu'ils veulent dire. C'est ce qui est visé par cette parole. Ils disent donc cette fraternité, cet amour pour l'ensemble du monde et cette fraternité humaine est celle qui emmène à ce que l'ensemble des hommes, celui qui habite en Orient ou en Occident, celui qui est musulman comme celui qui n'est pas musulman, sont égaux. Puis ils disent, ceci sont des paroles, certaines paroles que Hassan al-Banna a données dans certains de ses livres, où il explique et il affirme que fait partie des fondements de son appel à Allah, de sa da'wah, l'unification des religions et le fait que l'ensemble des religions sont frères et l'ensemble des hommes sont frères. Donc il parle de ça, donc il ramène des paroles disant que les religions ne sont qu'une seule religion. Les ensembles des messages, il y a des choses qu'il dit qui ne sont pas fausses. L'ensemble des messages sont un seul message. C'est-à-dire que tous les messagers ont été envoyés avec un seul message. L'ensemble des injonctions religieuses sont les mêmes. C'est-à-dire l'ensemble des législations sont les mêmes. Il dit l'ensemble des généalogies reviennent à la même personne. Et donc, il veut dire par cela, comme il l'explique plus tard, que l'islam est venu pour annoncer la fraternité de l'ensemble des hommes et annoncer la bonne nouvelle que l'ensemble des hommes sont sur la même chose et il appelle à la mondialité ou la mondialisation. Et l'islam est venu pour abolir tout fanatisme. Fanatisme, quand il parle de fanatisme ici, il parle de fanatisme à une religion précise. Ce qu'il veut, il appelle ici à l'unité des religions. Il dit qu'une personne qui s'attache à sa religion, c'est un fanatique. C'est ce qu'il veut dire ici. Et l'islam appelle à emprunter un chemin dans son appel à lui, un chemin qui mène à cela, à l'unicité des religions et à la fraternité humaine. Ce sont les paroles de Hassan al-Banna dans ses livres. Comme cela dans son livre Da'awatuna, qui est un de ses livres de base, il dit « J'aime à mettre l'accent sur le fait qu'il faut faire tomber cette prétention, la prétention de celui qui dit que non. Cette prétention qui dit que notre appel, donc il parle de son appel à lui, sa manière de faire l'appel à l'islam, donc on a lu précédemment le fait d'appeler à l'unité des religions, Ceci divise la communauté et divise les rangs de la communauté. Cette communauté, il dit Hassan al-Banna, cette communauté qui est composée de plusieurs éléments religieux différents. Cette communauté, notre communauté, l'islam, les musulmans, la communauté de l'islam, pardon, les musulmans, sont composés, d'après lui, de plusieurs éléments religieux différents. Et que l'islam est la religion de l'unité et de l'égalité. L'unité et l'égalité, ces deux fondements auxquels appelle Hassan al-Banna sont les deux fondements des francs-maçons. Unité, égalité. Unité, égalité sont les deux fondements des francs-maçons. Donc ici, Hassan al-Banna nous avance que la religion de l'islam est construite sur le même modèle que les francs-maçons, le franc-maçonnisme. L'égalité et l'unité. Il dit dans le même épître, on a bientôt fini les frères, il dit dans le même épître, les deux piliers de notre religion sont l'entraide et la paix de l'ensemble des communautés, l'entraide et la paix de l'ensemble des communautés. L'entraide et la paix sont donc les deux piliers entre les différentes communautés. Et il dit que la différence qui sera faite d'une communauté à une autre, d'une personne à une autre, sera seulement par ses œuvres. Il convient donc à chacun d'entre eux, chacune communauté, chacune personne, chacune religion, de faire l'effort de son côté afin que s'élève l'humanité. Nous voyons ici que Hassan al-Banna suit l'exemple de son père spirituel qui est Jamal al-Din al-Afghani, cette personne qui est le premier à avoir fondé dans les pays d'islam, comme l'Égypte, des maisons dans lesquelles ils appellent à le fait de se rapprocher entre les gens de la Sunna et al-Shi'a al-Rafidah, le fait de se rapprocher les uns des autres, que nous sommes frères, que nous sommes sur la même religion. Al-Rafidah, on aura l'occasion, on l'a déjà cité précédemment, on aura l'occasion de faire un cours, Inch'Allah, précisément sur ces derniers, en expliquant quels sont leurs fondements, le fondement de leur croyance. Mais Al-Rafidah, qui déteste les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces derniers, qui rendent même mécréants la plupart d'entre eux. Je citerai simplement cette facette ou ce fondement de leur religion. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres fondements qui sont des fondements qui n'ont rien à voir avec notre religion, mais juste ce fondement, car nous sommes dans un cours qui parle de l'alliance et le désaveu, le fait que nous nous allions aux croyants et à leur tête, les meilleurs des croyants qui sont as-sahaba. Donc ici, Jamal al-Din al-Afghani, comme cela, les frères musulmans, jusqu'à maintenant, appellent à s'allier, à se rapprocher entre les gens de la Sunna, comme ils s'appellent, Ahl Sunna et Al-Shi'a, Al-Rafidah, se rapprocher avec des gens qui rendent mécréants la plupart des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont rapporté notre religion jusqu'à maintenant, les rapporteurs de la religion, les rapporteurs des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils les insultent, ils les rendent même mécréants. Ils nous appellent à se rapprocher de ces derniers. Ici, pour réfuter ces personnes, puisque certaines personnes peut-être qui écoutent aussi le cours ont l'impression que ce sont des paroles qu'il n'y a rien dans ces paroles-là, c'est-à-dire le fait de dire que l'égalité entre les hommes, etc., c'est une chose qui est... Les hommes sont égaux. Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre a fait la différence entre les hommes. Il dit dans le sens approximatif de ces paroles, تبارك وتعالى traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Comme cela, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans son livre, dans le sens approximatif de ses paroles, l'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. De même ne sont pas semblables les vivants et les morts. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Muhammad, tu ne fais pas entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Ici, dans ces versets, Allah tabaraka wa ta'ala fait clairement la différence entre deux sortes de personnes. Comme le dit Al-Hafidh ibn Kathir dans son tafsir, dans le sens approximatif de ses paroles, dans le tafsir de Surat Fatir, le créateur, donc la Surat numéro 35, ce verset que je, ou ces versets que je viens de lire, versets 19, 20, 21 et 22, il dit dans le sens approximatif de ses paroles, comme l'aveugle et le voyant ne sont pas pareils, il y a plutôt entre eux deux, une grande différence, comme cela, l'ombre et la lumière ne sont pas pareilles. Toutes ces choses que Allah tabaraka wa ta'ala a citées ici ne sont pas pareilles. Comme cela, le vivant et le mort, comme cité dans le verset, ne sont pas pareils. Et ceci est un exemple ou une parabole qu'Allah azawajal a utilisé pour mettre en relation le croyant et le non-croyant. C'est-à-dire que le croyant est celui qui est vivant et le mort est celui qui le croyant est celui donc qui est vivant dans ce verset et celui qui est voulu par le mort est le non croyant. Allah Azza wa Jalla dans ces versets, mais bien en, dans ces versets comme dans d'autres versets, mais dans ces versets je les ai cités car Allah Azza wa Jalla interpelle ses serviteurs sur cela, sur le fait que ces deux choses sont des choses différentes, ces deux personnes sont des personnes différentes, ils ne sont pas pareils. Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Comme il le dit dans Surat Al-Qalam, comme je l'ai lu précédemment, qu'avez-vous, comment jugez-vous? En mettant à la même place les criminels et ceux qui croient en Allah, tabaraka wa ta'ala, ceux qui croient en Allah et ceux qui ne croient pas en lui. Ces deux derniers ne sont pas pareils. Donc, les hommes, à la base, lorsque l'homme naît, l'homme est sur la saine religion, la saine naturelle, fitra. Ils sont égaux à ce moment-là. Mais en fonction de leur croyance, ceci va différer et diverger. Le croyant n'est certes pas pareil et pas à la même place que le non-croyant. Nous voyons ici donc que ces gens de l'innovation, à leur tête donc le fondateur des frères musulmans Hassan al-Banna, sont en contradiction dans ses paroles en mettant en avant que les deux piliers fondamentaux de l'islam sont l'unicité et l'égalité. Il est complètement en opposé, son islam qu'il pratique est complètement en opposé avec l'islam qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre. Comme cela, une parole de Muhammad al-Ghazali, qui est connu parmi les têtes des frères musulmans, dans son livre « Min huna na'lam ». À partir d'ici, nous connaissons, nous savons. Il dit, du moment que l'islam donne aux enfants des autres religions les mêmes droits que à ses propres enfants, et qu'il leur donne comme prescription les mêmes prescriptions qu'il donne à ses propres enfants, et que l'islam, du moment que l'islam ne vient pas contredire leurs croyances qu'ils ont préféré suivre, ni en réfutant, ni en critiquant. Ça, c'est son islam à lui, à Muhammad al-Ghazali. Puis après, il continue en parlant. En fait, il détaille une affaire précise. Ce qui est intéressant, c'est juste son introduction par rapport à cette affaire qu'il veut détailler. Il dit, du moment que l'islam donne aux enfants des autres religions comme les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'il donne à ses propres enfants. Comme cela, l'islam, d'après lui, n'est pas venu réfuter ni critiquer les autres croyances. N'importe qui comprendra que ceci est une parole fausse et en contradiction avec le Coran et la Sunna. Comme cela, nous voyons des paroles de cette personne qui fait partie des têtes de ces grands troubles, la fitna du tekfir, ces têtes qui sont suivies par At-Takfiriyoun aujourd'hui, Sayyid Qutb, la tête du mal, comme certains de nos savants l'ont appelé, dans son livre Dirasat Islamiyya, études islamiques. Il parle de la manière dont l'islam a d'organiser le monde et la manière dont les gens d'organiser la manière dont les gens vivent. Puis il dit que l'islam autorise à tout le monde de vivre de la manière qu'il entend, l'ensemble des origines, comme cela l'ensemble des langues, comme cela l'ensemble des croyances, il les autorise à vivre en paix. Ceci à côté de la réalisation de l'islam, de la justesse et de l'équité non conditionnée entre l'ensemble donc de ses origines, de ses croyances, de ses langues et de ses croyances. C'est-à-dire que ici, Sayyid Qutb nous appelle au fait que l'islam donne, comme l'a dit Mohamed Al-Ghazali précédemment, il donne l'équité et l'égalité entre les musulmans et les non-musulmans. Comme cela, il dit un peu plus tard, ils vivent tous selon l'égalité, ou sur un pied d'égalité. Ils vivent tous sur un pied d'égalité. Ceci de la part d'une personne qui a rendu mécréant l'ensemble à son époque. Il écrit cela. Il dit donc en fait qu'il n'y a pas de différence entre un musulman et un non-musulman. Cette personne qui a rendu mécréant l'ensemble des gouverneurs musulmans à son époque, et qui a rendu même mécréant l'ensemble des communautés musulmanes, c'est-à-dire ceux qui vivent sous la loi ou sous le règne de ces gouverneurs qu'il a lui-même rendu mécréant. Il a rendu mécréant donc l'ensemble des musulmans à son époque. Et ceci est rapporté par ses élèves, ceux qui ont vécu à son époque, comme cela on le trouve dans ses livres, mais même ses élèves, ceux qui ont vécu à son époque, rapporte que Sayyid Qutb ne voyait que sa propre personne et les gens qui étaient sur la même chose que lui comme étant des musulmans, et l'ensemble des communautés musulmanes, il voyait qu'ils étaient mécréants, et donc il s'appliquait à eux ce qui s'applique à celui à qui on doit faire la guerre et celui qu'on doit combattre. Cette même personne qui vient nous dire cette parole-là dans son livre, Dirasat Islamiyya, la page numéro 80 et 81. Shirin Uthaymin, lorsqu'il lui fut posé cette question, qu'en est-il de la liberté de penser? La liberté de penser. Et le fait d'appeler à cela. La liberté de penser, la liberté de croyance. Il dit, il n'y a pas de doute qu'une personne qui appelle à cela, le fait de dire qu'une personne est libre de croire ce qu'il veut, et le libre est libre d'avoir ce qu'il veut comme religion, ceci est de la mécréance. Ici, faites bien attention à bien comprendre ces paroles-là. On a déjà étudié dans les cours précédents concernant les gens qui ont un pacte avec les musulmans, concernant les non-musulmans, la manière de se comporter avec eux. On a déjà détaillé quelle est notre croyance et quel est notre manhaj concernant cela. Mais ici, on parle d'une personne à qui on va lui laisser le droit de choisir entre l'islam et autre que l'islam. On lui dit que tu choisisses l'islam ou autre que l'islam, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. On ne parle pas d'une personne qui est non musulmane et on va l'obliger à être musulmane. On lui dira à cette personne lorsqu'on l'appellera que l'islam est la religion de vérité, la seule religion agréée par Allah tabaraka wa ta'ala. On lui dira que celui-ci est dans le faux, mais on ne l'obligera pas en lui mettant un couteau sur la gorge, en lui disant « deviens musulman ». Vous voyez la différence entre ces choses-là? Ici, ce qu'il parle, c'est le fait de donner le libre choix. Comme cela des paroles de cette personnalité que vous connaissez, Tariq Ramadan, où il disait qu'il n'y a pas de mal, une personne a le droit de choisir sa religion. Un enfant musulman, on peut lui dire, tu as le droit d'être musulman, tu as le droit d'être chrétien, tu as le droit d'être ce que tu veux. C'est ce qu'il veut dire ici, Cheikh Mouhamed dans sa fatwa, en disant que le fait d'appeler à cela, de dire que tu as le droit à cette liberté de croyance, ceci est de la mécréance. Faites bien la différence entre ces deux-là. Et comme cela, une parole, comme on a l'habitude de rappeler les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, en disant que certaines de ces paroles sont, de par le fait qu'Allah Azza wa Jalla lui a accordé le succès de prononcer et d'écrire ses paroles sont devenus pour les gens de la sunna comme des règles. Il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, elle dit, Al-hurriyatu fil-ubudiyya. Il dit, la liberté se trouve dans l'adoration à Allah Azza wa Jalla. Le fait d'être un serviteur d'Allah Azza wa Jalla. Donc la liberté se trouve dans la servitude. Ceci est la seule liberté. Aujourd'hui donc, le 5 du mois de Dhu al-Hijjah de l'année 1441, Allah Azza wa Jalla nous a permis de terminer cette série de cours intitulée « Les caractéristiques principales des gens de la Sunna et du groupe ». Alhamdulillah, alladhi bi ni'mati tatimmu salihat. Ici, nous avons exposé les caractéristiques principales des gens de la Sunna selon l'avis de certains gens de science. Il y a bien sûr d'autres caractéristiques qui pourraient être caractérisées de principales. D'autres caractéristiques qui pourront être caractérisées de principales, ça ne veut pas dire que celles-ci sont toutes les caractéristiques. Nous avons, comme nous l'avons cité précédemment, des livres comme Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed, les fondements de la Sunnah. Revenez vers ces livres-là, Inch'Allah, on aura l'occasion de faire l'explication de ces livres dans le futur, Inch'Allah ta'ala. Mais ici, nous avons choisi ces 10 caractéristiques et nous avons, durant ces cours, mis en évidence la croyance des gens de la Sunna concernant ces caractéristiques et réfuté les gens de l'innovation et les sectes égaré concernant ses caractéristiques. Comme cela, comme je l'ai déjà évoqué, le sunni, le salafi, doit être minutieux lorsqu'il enseigne, comme cela lorsqu'il apprend. Comme cela, l'ensemble d'entre vous, vous êtes des enseignants pour vos familles, pour vos proches. Une fois que vous avez appris ces fondements de la sunna, vous les enseignez à vos proches. Donc il vous convient d'être minutieux dans votre apprentissage, puis après dans la manière de le donner. Donc je vous enjoins à réviser ces cours que nous avons dispensés, fadlillahi tabaraka wa ta'ala. Et comme cela, une personne lorsqu'elle donne des cours, elle expose sa croyance et son manhaj. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, ruziqa al-huda man lil-hidayati yas'alu. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. Ici, dans cette série de cours, ma croyance, mon manhaj, ces points que nous avons évoqués, ce que vous trouvez de bien, فمن الله تبارك وتعالى, cela vient d'Allah تبارك وتعالى, وما توفيقي إلا بالله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. Et ce que vous trouverez d'erreur et de mauvais, ceci vient de moi et de Ash-Shaytan Al-Rajim. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.